frères et sœurs pendant 3 semaines. En tout bien, tout honneur, que même si mes soirées l'on aime, avant de prendre ton cœur, si mon numéro est au point, pour toi c'est déjà terminé. Ne vois-tu pas que j'ai besoin d'un amour plus spontané? On n'est pas sérieux avec les filles, on leur donne des illusions. Je suis de bonne famille, mais ce qui compte c'est mon érection. Mais pourquoi je dois encore te mentir? Ça me fait horreur pourtant, tu sais. C'est rien qu'une ancienne copine, mais tu la trouves un peu trop jolie. On n'est pas sérieux avec les filles, on leur donne des illusions. Tant ici la jalousie fait partie de la séduction. Je bosse plus que de raison. Quand tout nous pousse à se la couler douce, est-ce pour la gloire ou est-ce pour elle? Qui veut que je crame tout en haut de l'échelle? Moi j'ai le sentiment de me battre contre des moulins à vent. On n'est pas sérieux avec les filles, on leur donne des illusions. Alors qu'on est à la Souchon. Mais pourquoi je devrais t'aimer qu'une fille, quand tout nous pousse à en aimer plusieurs, en série mais aussi en parallèle, en solo ou bien en chœur?